franceinter.com. On l'appelait, non sans une certaine crainte, le général gris. Car l'homme faisait peur, même si, une fois de plus, la légende a eu raison de la réalité. Champion de l'anticommunisme aux manières d'inquisiteur, celui qu'on nommait aussi l'homme de l'ombre a longtemps été considéré comme l'un des maîtres espions du monde libre, l'énigmatique Reinhard Gehlen, le fondateur des services secrets de la RFA, l'adversaire le plus pugnace des services secrets de l'Est. Mais cette réputation n'était-elle pas usurpée? Car en écoutant M. X, vous aurez sans doute, comme moi, l'impression qu'en plusieurs occasions, le terrible Gehlen a fait preuve de coupable négligence et même d'aveuglement. À moins que son passé d'officier nazi n'ait permis à ses ennemis communistes d'avoir prise sur lui, ce qui expliquerait ses manquements. Une hypothèse certes hasardeuse, mais qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi ? Alors que certains de ses plus proches collaborateurs, tous issus de la nébuleuse nazie, ont accepté de gré ou de force de trahir, le général gris n'aurait-il pas lui aussi traversé le gué ? Monsieur X a donc décidé aujourd'hui d'évoquer l'histoire de l'un de ces hommes qui, après avoir travaillé de longues années auprès de Gehlen et bénéficié de son entière confiance, s'est révélé être un agent soviétique. Un certain Heinz Felfe, un espion qui a causé des dégâts considérables aux services occidentaux, mais qui, après avoir été démasqué, a précipité la chute de Gehlen, un homme dont le destin reste encore aujourd'hui mystérieux. La photo m'a frappé, celle d'un homme souriant, au crâne entièrement chauve. Derrière les grosses lunettes, les yeux pétillent de satisfaction. Le bonhomme est visiblement heureux, et pour tout dire, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et c'est pourtant ce même personnage qui était l'un des plus redoutables espions de la guerre froide, Heinz Felfe, un homme qui est mort récemment. non sans avoir préalablement reçu pour son 90e anniversaire un télégramme de félicitations du FSB, l'héritier du KGB. Bah, ce qui prouve, en tout cas, qu'aux yeux des Russes, il a rendu d'éminents services. Ah, ça, c'est certain. Mmh. Mais en témoignent les efforts déployés par Moscou pour le récupérer après son arrestation par les autorités ouest-allemandes. Bon, bah, n'allons pas trop vite. Ouais, le contraire m'eût étonné. Alors, pour commencer, quelques détails biographiques sur ce Felfe. Il est né en 1918 à Dresde. C'est très important, car plus tard, Felfe affirmera que s'il a trahi, c'était pour se venger des aviateurs américains et anglais qui, en bombardant massivement sa ville natale en février 1945, l'ont détruite de fond en comble et provoqué la mort de plusieurs dizaines de milliers de ses habitants. Mmh. Une justification qui se tient, selon vous ? Pourquoi pas ? D'autres amis de Felfe, qui seront aussi recrutés par les soviétiques, ont fait état du même ressentiment pour justifier leur retournement par le KGB. Mais c'est vrai, il convient de se méfier, car tous ces individus avaient aussi de puissants mobiles pour passer au service de Moscou. Mais j'y reviendrai. Hans Felfe, dès 1931, adhère aux Jeunesses hitlériennes. Donc avant même l'arrivée de Hitler au pouvoir. Hein, ouais. Et dans la lancée, en 1936, il s'engage dans la SS. On a donc affaire à un nazi convaincu. Mais malgré son extrême jeunesse, il n'a que 18 ans lorsqu'il rejoint la SS. Mmh. Et ensuite alors ? Il devient garde du corps de dignitaires du parti nazi. Puis lorsque la guerre éclate, Felfe est recruté par la police criminelle avant d'entrer au SD, le service de sécurité de la SS. Bon, en somme, une trajectoire exemplaire, si j'ose dire. Ah, tout à fait. Et c'est dans ce dernier service qu'il trouve sa vocation, le renseignement. L'agent Felfe est d'abord posté en Suisse. Mmh, c'est un pays frontière très utile au Troisième Reich, qui permet bien des trafics. Surtout d'ordre financier, oui. Mais la Suisse est à neutre, est aussi à l'époque un véritable nid d'espions. Et le lieutenant Felfe doit être efficace puisqu'il est promu et rejoint ensuite les Pays-Bas. Mais lorsque vient la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est capturé par les Britanniques. Mmh, prisonnier de guerre, donc. Et en tant que membre de la SS, il risque gros. Hein. Certainement. Mais Felfe ne tarde pas à proposer ses services à ses geôliers. D'accord, mais que peut-il leur offrir ? Oh, le nazi met certainement en avant ses talents très particuliers en matière de renseignement. Et il est entendu ? Oui. Les services britanniques le recrutent et le chargent d'enquêter sur les activités communistes dans la région de Cologne. Oui, parce que c'est déjà la guerre froide. Mmh. Une remarque quand même là. Il est étrange que ce type qui veut venger la destruction de Dresde accepte de travailler pour une puissance qui est en partie responsable de ce désastre. C'est exact. Et la suite va peut-être répondre à votre interrogation. Ah bon, j'attends. En effet, en 1949, ses employeurs britanniques se débarrassent de lui. Pourquoi ? À cause de son passé nazi ? Pas du tout. Ça ne faisait pas peur aux services occidentaux, voire le cas Barbie. Non, ce qui pousse les Britanniques à le licencier, c'est que déjà Felfe est soupçonné d'entretenir des rapports ambigus avec les soviétiques. Mais sous prétexte de traquer les communistes. Oui, mais on a aussi parlé d'abus de confiance. Ah bon, des escroqueries. Peut-être. Durant sa vie, Felfe a toujours été très intéressé. C'est d'ailleurs aussi son amour de l'argent qui contribuera à sa perte. Alors que devient-il ensuite là ? L'ancien nazi est un débrouillard. Il retrouve très vite un emploi dans le bureau des réfugiés d'un ministère fédéral où il aura la tâche d'interroger les policiers est-allemands qui se sont enfuis à l'ouest. Parmi lesquels, enfin, j'imagine, pourraient se dissimuler quelques espions de l'Est. Naturellement. Et si Felfe alors a déjà des rapports avec le KGB, ça manque pas de sel tout ça. Hein. Mais vous allez le constater, ça n'est qu'un début, car la suite sera encore plus stupéfiante. Alors si je vous écoute, mais... Une question auparavant. Avant d'embaucher un homme comme Felfe pour une tâche sensible, les autorités ouest-allemandes n'ont-elles pas procédé à une enquête ? Eh bien non. Et pourtant, la dénazification est toujours à l'ordre du jour. Elle est même constamment réclamée par les alliés. Oui, qui par ailleurs enrôlent eux aussi à leur service d'anciens criminels de guerre comme Barbie. Hein. C'est juste. Au cours de cette même période, c'est-à-dire dans les années 49-50, Felfe retrouve deux camarades de Dresde. Deux hommes qui, comme lui, ont été des officiers SS. Ouais, ça crée des liens, ça. Effectivement. Mmh. L'un d'eux, un certain Johannes Clemens, a un passé chargé, surnommé le Tigre de Côme, parce qu'il a ordonné le massacre de 350 otages italiens. Il a été recruté, tout comme son collègue, Wilhelm Kirschbaum, par l'ORG, l'organisation Gehlen, comme on l'appelle encore. Mmh. Alors, avant d'aller plus loin, là, un rappel, bien que nous en ayons souvent parlé. l'orgue dans ces années-là, qu'est-ce que c'est ? Pendant la guerre, le général Gehlen a été chef du service de renseignement du Troisième Reich sur le front de l'Est. Ouais. Donc chargé d'espionner Moscou. Essentiellement. Ouais, était-il nazi ? Gehlen s'en est toujours défendu. Mais on n'accepte pas à un tel niveau de responsabilité sans donner des preuves de son allégeance au régime. Or, il est évident que le général a été un fidèle serviteur du Reich. Mmh. Il a donc approuvé l'ensemble de la politique hitlérienne. Oh, ça me paraît évident. Mmh. Et ça lui a valu quelques ennuis à la fin de la guerre. Pas très longtemps, parce que Gehlen a pris la précaution de ne pas quitter son service les mains vides. Oui, il a emporté ses fichiers. Il les a mis au moins à l'abri. Et n'a pas eu de mal à convaincre les Américains qui l'avaient fait prisonnier que ces documents pourraient leur être très utiles à cause des renseignements précieux qu'ils contenaient. Ouais. Des renseignements sur les communistes. Et leur réseau secret. Ouais. Ouais. Alors, c'est ainsi que Gehlen, lui, est passé au service des Américains. Oui, parce que sans lui, ses fichiers demeuraient obscurs. En outre, il a été très vite reconnu que la compétence du général en matière de renseignement était incontestable. C'est donc sous tutelle américaine que Gehlen a créé sa propre organisation d'espionnage. L'orgue. Oui, qui en 1949 passera sous la coupe de l'Allemagne fédérale avant de devenir en 1956 tout simplement le service de renseignement ouest-allemand, le BND. Mais il est certain que ce nouveau service continuera à entretenir des rapports privilégiés avec les Américains et la CIA. Même si parfois concurrence aidant, les rapports ne seront plus aussi harmonieux qu'ils étaient au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais je reviens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quand il s'est agi pour Gehlen de recruter des collaborateurs, il a presque naturellement puisé dans le vivier des spécialistes qu'il connaissait. Et qui, comme lui, avaient été des serviteurs zélés du Troisième Reich. Je peux lui apporter que ces hommes aient été des criminels de guerre. D'ailleurs, protégé comme il était par les Américains, il s'est cru autorisé à faire venir auprès de lui des hommes au passé plus ou moins douteux. Ouais, comme Krichbaum ou Clemens, là, les amis dressois de Felfe. C'est ça. Des amis qui proposent à Felfe de faire lui aussi acte de candidature à l'organisation Gehlen. Et il est accepté. Oui, hein. Mais il faut dire que son CV plaide pour lui. Donc son appartenance à la SS ne pose pas de problème. Aucunement. Au fond, Gehlen n'a fait que s'entourer de membres de la grande famille hitlérienne. Mais ce faisant, il prenait des risques terribles. Oui, parce qu'on risquait un jour de lui reprocher cette politique de recrutement ? Pas du tout. Mais en agissant ainsi, le général faisait l'impasse sur un aspect très inquiétant. La grande vulnérabilité de tous ces anciens nazis. Ihr wisst, was aus ihm wird. Wild, scharf und groß war Babylon. Und seht, da war es noch nicht Nacht. Da sah die Welt die Folgen schon. Die Schönheit hatte sie so weit gebracht. Rendez-vous avec X. Un détail intéressant sur le BND qui a été créé à partir de l'organisation Gehlen. Je l'ai trouvé dans le très intéressant ouvrage de Michael Müller et Eric Schmidt-Enbaum, L'histoire des services secrets allemands. Extrait. Le nouveau-né était affligé d'une malformation congénitale. L'existence du service de renseignement extérieur de la République fédérale ne reposait sur aucune loi. Le BND devait sa création à une décision du cabinet en vertu du pouvoir gouvernemental d'organisation des institutions. Cela signifie que le gouvernement avait le droit de modeler les organes de fonctionnement de l'État et de leur attribuer des compétences et des obligations. La fondation du BND se déroula en dehors du débat parlementaire et sans attirer l'attention de l'opinion publique, ce qui représentait pour Gehlen un avantage non négligeable. Pourtant, les inconvénients de cette malformation de naissance l'emportaient largement sur les avantages. Un service secret sans fondement législatif devait à terme éveiller la méfiance, être soupçonné d'illégalité et mal accepté par la population. C'est ce qui arriva et cette situation perdura pendant de longues années. Le livre de ces deux auteurs a été publié en 2009 par Nouveau Monde. Es hat dem weisen Salomo, wisst, was aus ihm wurde. Mais vous avez parlé de vulnérabilité. Bien entendu, et je vous explique. Les services soviétiques avaient mis la main sur les dossiers personnels de la plupart des membres de l'ASS. À la joie. Tous ces types étaient donc susceptibles de faire un jour ou l'autre l'objet de chantage. Exactement. Ou vous acceptez de faire un bout de chemin avec nous, ou alors nous rendons publiques vos activités criminelles pendant la guerre. Par conséquent, Galen, en recrutant autant d'anciens SS, faisait entrer le loup dans la bergerie. Ouais. Ben ici se pose une grave question. Alors, Galen, grand spécialiste du renseignement, ne pouvait tout de même pas ignorer ce danger. Hein. C'est en effet un point très troublant. Et écoutez, même si je ne connais pas le fin mot de cette histoire, il est quand même permis de nourrir quelques doutes sur Galen lui-même. Quoi, Galen, agent soviétique? Bon, c'est vrai que ça semble énorme, car le général a quand même été le pivot du renseignement occidental en Allemagne. Et tous les services de l'Ouest ont rendu hommage à ses talents et à son efficacité. Mais pour autant, on ne peut pas balayer ce soupçon par une simple dénégation. Malheureusement, je ne puis vous en dire plus. Vous en avez déjà dit beaucoup. Hein. Alors, revenons à Felf. Et à ses deux amis de Dresde qui lui ont déjà permis d'intégrer l'organisation Galen. Quand les trois compères se retrouvent, les deux premiers ont déjà été recrutés par le KGB. Ah déjà? Alors, ils vont proposer à Felf de les rejoindre? Bien sûr. Et l'ancien nazi, en qui les soviétiques voient certainement une recrue de choix, devient un agent du KGB en 1951. Nom de code, Paul. Oui, mais étant donné à ce que vous m'avez dit précédemment, peut-il refuser puisque son dossier personnel doit être en possession des soviétiques? Dans le cas de Felf, je n'ai aucune certitude, car les types du KGB ne sont pas toujours obligés de se livrer au chantage pour recruter. Il existe d'autres arguments. Et en ce qui concerne Felf, j'en vois au moins deux. Mais lesquels alors? L'argent d'abord. Hans Felf sera l'un de leurs agents les mieux payés. Alors que vous avez souvent dit qu'en cette matière, Moscou était plutôt pingre. Hein. Et le deuxième argument, alors? La vanité. Mais c'est-à-dire? Grâce au KGB, Felf va devenir l'un des membres de l'organisation Galen les plus éminents. Un véritable as de l'espionnage. Un nouveau Sorg, si vous voulez. Ou plutôt, étant donné sa trahison, un nouveau Philby. Et Philby qui, avant d'être soupçonné, a failli devenir le patron du contre-espionnage britannique. Mmh. Mais expliquez-moi, là, comment le KGB va-t-il aider à son ascension au sein de l'Org? C'est assez simple. Mais voyons d'abord le résultat. Un beau jour de 1953, Felf annonce à ses supérieurs un peu ébahis qu'il vient de mettre sur pied un réseau d'espions à Moscou même. Ah ben ça, c'est le rêve de tout chef d'un service de renseignement occidental. Ben évidemment, hein. Car on sait combien il est difficile de pénétrer l'appareil soviétique. Felf dit encore que son principal agent de l'autre côté du rideau de fer est un colonel de l'armée rouge. Mmh. Alors encore, lui faut-il prouver que ce réseau lui fournit des renseignements importants. Hein. Ah ben, qu'à cela ne tienne, bientôt il livre à ses chefs des monceaux d'informations. Encore mieux, il permet l'arrestation d'un authentique espion soviétique opérant en Allemagne fédérale, au siège même de l'Org, à Pulak. Mmh. Il assoit donc sa crédibilité. Et il est chaudement félicité. Mais je crois avoir deviné le mécanisme dont usent les soviétiques. Ce sont eux qui alimentent Felf en informations. Naturellement. Par conséquent, ces renseignements sont puisés à la meilleure source. Mais parfois, au milieu d'une moisson de vraies informations, l'officier traitant de Felf glisse quelques tuyaux destinés à abuser l'Ouest. Oui, des manœuvres de désinformation, somme toute, assez classiques. D'accord, hein. Mais quand on n'a pas la clé, comment trier le bon grain de livret? Ouais. Et cet authentique espion là dont Felf a permis l'arrestation? Que voulez-vous, ce petit poisson a été sacrifié pour aider à l'ascension d'un plus gros que lui. Ouais. C'est donc que le KGB mise beaucoup sur Felf. Hein. Incontestablement. Et plus précisément, alors, dans ces documents que le KGB transmet à Felf via son officier traitant, qu'y a-t-il? C'est très varié, mais toujours bigrement intéressant. On trouve par exemple des rapports sur les activités confidentielles du Kremlin, ou encore des informations sur les services secrets. Il y a même, et ça, ça ne peut que passionner les Allemands de l'Ouest, des comptes rendus secrets des réunions de cabinet du gouvernement est-allemand. Bon, autant de renseignements que le général transmet directement avec la satisfaction que vous pouvez imaginer au chancelier Adenauer. Mmh. Mais parallèlement, Felfeu doit aussi alimenter en information ses maîtres soviétiques. Bien entendu, ouais. Et comme il ne cesse de grimper dans la hiérarchie de l'orgue, puis dans celle du nouveau BND, il n'a aucun mal à se procurer des documents secrets. D'autant qu'il peut aussi bénéficier directement ou indirectement de la collaboration de tous ces anciens nazis qui pullulent dans l'entourage de Gehlen. Mmh. Alors justement, vous parlez là de son ascension au sein des services de ouest allemands. Mais jusqu'où monte-t-il ? En 1958, Gehlen finit par le nommer chef du contre-espionnage du BND, chargé du renseignement contre l'URSS. Ah, effectivement, alors la comparaison avec Kim Felmy est pertinente. Eh oui, et toujours dans ces mêmes années, Felfe va être appelé par Gehlen à jouer un rôle important dans la petite guerre qui oppose le BND à la CIA. Une guerre entre alliés ? Oui, car les Allemands supportent de plus en plus mal la tutelle que leur imposent les Américains. Il ne s'agit pas seulement de tutelle, car la CIA agit en Allemagne fédérale en toute indépendance, sans même en informer le BND. Oui, ça, ça agace de plus en plus. Oui, car ça froisse les sentiments patriotiques du gouvernement allemand, qui ne se sent plus maître chez lui. Et l'affaire qui va particulièrement irriter le BND et son chef, Reinhard Gehlen, c'est l'épisode du tunnel dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Oui, je me souviens avoir rappelé quand même brièvement. Bon, volontiers. Alors, je résume. Au milieu des années 50, Américains et Britanniques se lancent dans une extraordinaire entreprise d'espionnage. La construction d'un tunnel de plusieurs centaines de mètres qui, à partir du secteur ouest de Berlin, doit les conduire sous le QG des forces soviétiques, à Karl Horst. Et ainsi, ils pourront avoir accès au système de communication de leurs adversaires. Oui, en posant des bretelles sur les câbles souterrains. Et cette opération sophistiquée est couronnée de succès. Malheureusement pour les anglo-saxons, une taupe, George Blake, a prévenu les soviétiques. Mais ceux-ci, subtilement, laissent faire et en profitent pour abreuver en fausses informations leurs alliés d'hier. Ouais. Oui, et un an plus tard, enfin, pour ne pas brûler leur taupe, les Soviétiques feignent de découvrir par hasard l'existence de ce tunnel. Ce qui leur permet de mettre en scène une spectaculaire opération de propagande anti-occidentale. Ah, il faut dire qu'ils l'avaient belle. Et de l'autre côté, alors, les services américains et britanniques, pour se rattraper, ont mis en avant l'exploit technique que constituait la construction de cet audacieux tunnel. Bah forcément, mais il y avait un hic, si je puis dire. Les autorités allemandes et le BND n'ont découvert l'existence du tunnel que lorsque les Soviétiques se sont vantés de l'avoir découvert. Ils n'avaient pas été informés par les Américains et les Britanniques. Aucunement. Et assez logiquement, ça les a mis très en colère. Même ça, on peut les comprendre. Mais les Anglo-Saxons, il faut bien expliquer, les Anglo-Saxons ne soupçonnaient-ils pas déjà les services ouest-allemands d'être infiltrés ? C'est très possible. Mais ça, on en reparlera. Quoi qu'il en soit, cet épisode du tunnel se traduit par un véritable refroidissement des relations entre les services allemands et américains. Pire, Gehlen décide de prendre sa revanche à sa façon. Ah ben, comment hein ? À Berlin. La cible principale est donc ce fameux QG soviétique de Karl Horst. Aussi, le BND redouble-t-il d'efforts pour en percer les secrets ? Et comme il ne peut pas construire un autre tunnel, il va procéder de façon classique en essayant de recruter une taupe au sein de la forteresse soviétique. Et qui mieux que Hans Felfe pouvait réussir cet exploit ? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quelques détails sur l'importance progressive que va prendre Felfe au sein du BND. Felfe, dont les informations truquées par le KGB atterrissaient jusque sur le bureau du chancelier et contribuaient, affirment deux auteurs d'un ouvrage sur l'orgue, à former l'opinion de Konrad Adenauer sur les pays de l'Est. Autre information donnée par ces mêmes auteurs, Hermann Zölling et Heinz Hohn, l'évolution des rapports entre Felfe et son chef Reinhard Gehlen. Je cite. L'attention de Gehlen fut attirée par ce génie de l'espionnage et en 1954, les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois. Felfeu dit de son chef qu'il avait une personnalité fascinante. Et Guélaine fut enthousiasmée par Fifi, le pseudonyme de Felfeu à la centrale. Ce Felfeu est extraordinaire. Il peut fournir ce qu'aucun autre ne peut donner. En 1958, Felfeu fut nommé chef du bureau soviétique du contre-espionnage. Il fut engagé à titre temporaire avec des appointements de hauts fonctionnaires. Lorsque des visiteurs importants lui arrivaient de Bonn ou de l'étranger, Guélaine les conduisait au bureau de Felfeu, où ils avaient le privilège d'admirer un plan gigantesque dressé et tenu à jour par Fifi de l'état-major du KGB à Karlhorst. Cette citation est empruntée à l'ouvrage intitulé « Le réseau Guélaine », publié en 1973 par Kalman Levy. On demande donc à Felfeu de recruter une taupe dans le sein des saints soviétiques à Berlin. Exactement. Et vous imaginez bien que le KGB va s'empresser de lui donner satisfaction. Mais auparavant, il se présente une importante difficulté. Informé des intentions de Guélaine, le chef du bureau de la CIA à Berlin, David Murphy, s'oppose violemment à cette initiative. L'espionnage du QG de Karlhorst doit rester un monopole états-unien. Toute manœuvre similaire du BND serait contre-productive et risquerait même d'introduire une confusion certaine. Ouais, la concurrence entre les deux services est donc vive. Hein. Ah, et même tumultueuse. Mais Guélaine n'entend pas céder. Et son fidèle Felfeu va combler ses vœux. Ses sources lui permettent de rassembler une énorme masse d'informations sur Karlhorst. Ces sources-là, vous voulez dire ces maîtres soviétiques? Bien sûr. Et son entreprise, nom de code Diagramme, aboutit à la rédaction d'un énorme annuaire en 5 tomes qui fourmille de détails. On y trouve un recensement de tous les militaires et agents qui servent à Karlhorst, tous les numéros de téléphone, des plans précis et même la localisation des toilettes et le nom des personnes qui sont autorisées à les utiliser en fonction de leur grade. Oui, d'accord. À quoi ça peut servir? Pas grand-chose, mais ça donne une idée de la méticulosité du travail de Felfeu. Guélaine est bien sûr comblée et ne tarde pas à communiquer ses précieux documents à la chancellerie. Elle lui permet du même coup d'adresser à Konrad Adenauer une demande assez extravagante. Il désire désormais que son super-espion ait accès à tous les secrets du gouvernement ouest-allemand. Et pourquoi? Parce que Felfeu, dit-il, a besoin de ces informations ultra-confidentielles pour, en les maquillant, alimenter sa taupe de Karlhorst et lui assurer une certaine crédibilité. C'est-à-dire qu'à sa manière, il veut lui aussi faire de la désinformation. C'est ce qu'il prétend. Mais naturellement, tout cela est cousu de fil blanc, puisque sa fameuse taupe n'est autre que son officier traitant du KGB à qui il entend transmettre les vrais secrets qu'il aura piochés dans les bureaux de la chancellerie. Ouais. Mais le gouvernement fédéral a peut-il accepter une telle demande? Bien sûr que non. Et Guélaine, aussi puissant qu'il soit, se voit opposer une fin de non-recevoir. Alors il s'adresse directement à l'homme liche d'Adenauer, Globke, qui fait la pluie et le beau temps à la chancellerie. Et curieusement, il obtient satisfaction. Vous n'allez quand même pas me dire que ce Globke est aussi un homme du KGB. Non, mais on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui ont poussé Globke à accéder à la demande de Guélaine. En tout cas, sa décision permet à Felfeu d'être nommé président d'un comité d'études chargé de recenser et analyser les documents secrets détenus par les différents ministères de la RFA. Et l'ancien nazi peut dorénavant vaquer dans la chancellerie à sa guise. Ah, ça, c'est un succès inouï pour le KGB. En effet. Mmh. Et Felfeu va pousser son avantage. Il en profite via Guélaine pour intoxiquer Adenauer. Il le persuade que l'armement nucléaire et balistique des soviétiques est largement supérieur à celui que détiennent les Américains. Mais dans quel but alors? Instiller dans l'esprit du chancelier un doute sur la nécessité de demeurer plus longtemps sous la protection du parapluie nucléaire états-unien. Ouais, ça c'est de la haute politique. Hein. Et le vaniteux Felfeu doit en concevoir une grande fierté. Mais bientôt son étoile va pâlir. Et ce sera l'aboutissement d'un processus qui a commencé très tôt. Dès 1954, en fait. Racontez-le. Le point faible d'un agent double tel que Felfeu, c'est la possibilité qu'un transfuge au courant de son recrutement ne le dénonce. Et Felfeu en avait conscience? Évidemment. Mais ses maîtres soviétiques n'avaient de cesse de le rassurer. Au risque d'ailleurs de le conforter dans l'idée qu'il ne courait aucun danger. Et celle-là, effectivement, conduit à commettre quelques imprudences, comme par exemple dans ses contacts avec son officier traitant, où Felfen n'a pas toujours respecté les consignes de sécurité. Mais ce n'est pas ça qui l'a perdu. En 1954, donc, un major soviétique, chef du poste de Vienne, fait défection. Il livre aux Américains de précieux renseignements et indique en particulier qu'il existe chez Gehlen deux taupes connues sous les noms de code Pierre et Paul. Ouais, mais ça ne suffisait pas à les identifier, ça. Toutefois, c'est certainement à partir de ce moment que la CIA a commencé à se méfier de l'organisation de Gehlen. Ah oui, d'où peut-être alors la décision de dissimuler à Gehlen l'affaire du tunnel de Berlin. C'est très possible. Deuxième alarme. Un an plus tard, à l'occasion de l'arrestation en Allemagne de l'Est d'un agent du BND, l'homme livre aux enquêteurs des informations qui ne peuvent provenir que d'une source haut placée au sein du service ouest allemand. À partir de là, un agent américain du contre-espionnage se livre à un méticuleux travail de recoupement. Et il arrive à la conclusion que seuls deux agents du BND ont pu trahir. Ouais, et l'un d'eux est Felfen. Exactement. Mm-hmm. Le rapport de cet as du contre-espionnage est bien sûr aussitôt transmis à Gehlen. Mais le général Gris garde ce rapport sous le coude et ne lui accorde aucune attention tant il est persuadé que Felfen, son meilleur élément, est insoupçonnable. Mieux, alors que tous les fonctionnaires du BND font l'objet d'un contrôle de l'administration fédérale, Gehlen a rayé son nom de la liste des agents susceptibles d'être passés au crime. Et aveuglement ou complicité, comme nous l'évoquions au début de cet entretien? Non, pourtant, le comportement de Felfen pouvait très légitimement nourrir de solides soupçons. Mais quoi? Son train de vie, par exemple. Contre toutes les règles en usage dans les services de renseignement, Hans Felfen vit de façon fastueuse. Et là, problème, d'où vient l'argent? Forcément. Mais le vrai coup de massue va venir d'un futur transfuge polonais, un nommé Goloniewski, directeur adjoint du contre-espionnage dans son pays. Vous avez dit futur transfuge? Oui, parce que l'homme ne va pas se déclarer tout de suite. Sous la signature franc-tireur, il commence par envoyer des lettres très intéressantes aux services secrets américains. De façon anonyme, donc. Et les Américains commencent par se méfier. Mais la précision de ces informations les persuade peu à peu qu'ils ont affaire à un personnage fiable. Alors pour notre histoire, retenons simplement ce renseignement contenu dans l'une de ces 14 lettres. Il affirme que des rapports secrets du BND atterrissent en Pologne via le KGB. Nouvelle preuve qu'il existe une taupe chez Gehlen. Hein. Et dans une autre correspondance, franc-tireur révèle que dans un récent voyage de membres du BND aux États-Unis se trouvaient deux agents soviétiques. Or, Felfen faisait partie de cette délégation. Les taux se resserrent. En 1960, Goloniewski, qui se sent menacé, passe à l'ouest. Il apporte des éléments nouveaux là, sur la taupe du KGB? Non, mais la CIA, ravie de constater que le Polonais n'est pas un leurre lancé par Moscou, s'attache désormais avec tous les moyens dont elle dispose à démasquer la taupe. Cependant, comme les Américains n'ont qu'une confiance limitée dans les services de Gehlen, ils se gardent d'en informer le BND. Après tout ce que vous avez dit, ils ont raison. Hein. Ouais. Cependant, ils se forgent très vite une conviction. Felfen est leur homme. Donc, toujours dans le plus grand secret, ils le surveillent, le filent et le placent même sur écoute. Mais l'espion se méfie et multiplie les précautions. Et parallèlement, alors, au BND, on reste inerte? Alors, pas tout à fait, non. Gehlen a quand même consenti à rassembler une petite équipe d'enquêteurs, des gens très jeunes. Qui n'appartiennent donc pas au cercle des anciens nazis. Mais selon toute vraisemblance, ce sont les hommes de la CIA qui vont remporter le gros lot grâce à une imprudence de Felfen. En 1961, son ami Clemens, qui n'arrive pas à décoder un message chiffré du KGB, lui demande de l'aide. Felfen lui propose de lui envoyer le document par lettre recommandée. Le courrier est aussitôt intercepté et le poteau rose est découvert. Felfen est confondu alors? Il lui est difficile de nier, mais le type est coriace. Il ne révélera pas grand-chose de ses petits et grands secrets. Même si grâce aux perquisitions opérées chez lui, les enquêteurs découvriront l'ampleur des dégâts qu'il a commis. Pour Gehlen, en tout cas, c'est une catastrophe. Oui, le général ne s'en relèvera pas. On se débrouillera d'ailleurs pour le tenir de plus en plus à l'écart et il finira par être purement et simplement débarqué quelques années plus tard. Mais sans qu'on ait réellement compris pourquoi il avait si longtemps protégé Felfen. Hein. C'est exact. Mais avant d'en terminer avec ce curieux dossier, je voudrais ajouter deux éléments intéressants. Le premier, c'est qu'avant de tomber au tout début de 1961, Felfe a informé ses amis soviétiques qu'en cas de construction d'un mur séparant Berlin en deux, les Occidentaux n'interviendraient pas. C'est un renseignement capital, ça. Que Felfe a vraisemblablement obtenu directement à la chancellerie. Deuxième point, qui lui n'a pas été réellement éclairci, c'est l'acharnement mis par les soviétiques pour récupérer leurs taupes. Or, objectivement, on pouvait penser que Felfe, mis hors d'état de nuire et lourdement condamné à 14 ans de prison, ne leur était plus utile. Oui, mais vous avez une explication alors. Oui, je pense que Felfe, qui avait été très discret pendant l'enquête et au cours de son procès en 1963, détenait encore beaucoup de secrets. Des spécialistes du renseignement ont même estimé que sa capacité de nuisance s'est exercée jusque dans le milieu des années 70. Une vraie bombe à retardement. Oui. Mais comment les Soviétiques ont-ils opéré alors pour le récupérer ? À de nombreuses reprises, ils ont proposé aux Allemands de l'Ouest de l'échanger contre des espions détenus à l'Est ou de simples prisonniers occidentaux. Mais les autorités de Bonn ont longtemps résisté. Et ils ont fini par accepter ? En 1969, oui. Car cette fois, la monnaie d'échange était considérable. Contre le transfert à l'Est de Felfe, 18 prisonniers politiques ou espions ont été libérés. Ouais. Ce qui prouve que le personnage pesait lourd. C'est ma conviction. Mais malheureusement, on ne sait pas exactement quel secret Felfe a emporté à l'Est. Wo haben wir uns hin verirrt, dass man ihn jetzt zum Galgen schafft. Un mot encore. En Allemagne de l'Est, Heinz Felfe est devenu professeur de criminologie. Quant aux dégâts qu'il a provoqués en RFA, en voici la liste selon Michael Müller et Eric Schmidt-Enbaum, auteurs de cette histoire des services secrets allemands publiée par Nouveau Monde. Le service de renseignement consacré à l'URSS était en ruine. Outre les innombrables messages radio que Felfe avait transmis au KGB, il livra 20 bandes magnétiques et 300 pellicules Minox avec 15 661 clichés. 15 autres microfilms furent retrouvés dans sa maison de campagne et donnèrent des indices aux enquêteurs sur le travail du super-espion. Mais le plus grave était que le KGB avait pu démasquer l'ensemble du réseau d'espions du BND grâce à la traîtrise de Felfe. En tout, 94 agents de liaison, dont 46 cadres. Les conséquences sur le travail à venir étaient également incommensurables. L'unité organisation interne, EIO, qui gérait l'ensemble des données non codées concernant tout le personnel du BND, était installée dans une chambre forte spéciale où l'on ne pouvait travailler sous surveillance. Le chef de l'EIO fut aussitôt remplacé car pendant des mois, Felfe s'était rendu dans cette unité pour recopier les noms d'importants collaborateurs du BND et les données les concernant. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Valérie Ayesteraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub m'ont aidé à préparer ce programme. Et tout de suite, après le flash, on va à la campagne, c'est au de mon amour de Denis Chessou.